Bonjour. Aujourd'hui, voici la dernière de nos rediffusions de l'été. L'orthographe modernisée, violentée, une émission diffusée le 23 avril 2016. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. On peut démontrer par exemple qu'il est tout à fait normal d'écrire honneur avec deux N mais honorable avec un seul. Cantonnier avec deux N mais cantonal avec un seul. Traditionnel avec deux N, mais traditionaliste avec un seul. Ressentir avec deux S, mais parasol avec un seul. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Voici donc revenu, passionnel, scientifique, émouvant, symbolique ou dérisoire, vous choisirez l'adjectif que vous voudrez, voici donc revenu en force, ces temps-ci, les débats sur la réforme de l'orthographe. Il paraît qu'à l'étranger, on s'étonne souvent, avec un mélange d'ironie et d'envie, on s'étonne souvent de la virulence qui mettent les Français selon des résurgences qui viennent régulièrement s'imposer à la première page des journaux. Je me risquerais à dire que je ne le trouve pas mauvais, tant il s'agit là d'une question qui touche à l'identité même d'une nation, puisqu'une langue telle qu'elle est pratiquée, à l'écrit comme à l'oral, constitue bien plus qu'un simple outil de communication et qu'elle exprime la nature profonde d'une collectivité et de ce qui en relie les composantes entre elles. Or, on ne peut qu'être fasciné, quand on considère ce sujet, par l'évidence des permanences du conflit qui oppose d'âge en âge, d'un côté les partisans du statu quo, ou pour le moins de la résistance aux évolutions trop promptes de l'orthographe, et en face d'eux, de ceux qui guerroient pour que triomphe au gré des mutations constantes de la langue, sa simplification au service à leurs yeux de la clarté et du rayonnement de la pensée. Les arguments adverses se retrouvent sur chaque bord avec une constance remarquable. Et j'augure que mon invité, Bernard Cerchiglini, historien éminent du français et de toutes ses expressions, va nous permettre une heure durant de le démontrer à loisir. En cet temps rudimentaire où la culture du navet hollywoodien moscoutaire vous procure des tas de brevets, où sous l'œil de la police nous vivons dans des classeurs, on fiche plus ou moins propices comme les filles et les souteneurs, où le digeste élémentaire ramène au niveau commun, le plus bas, le plus terre à terre, l'instruction de tout un chacun. Nous avons vu paragraphe nouveau dans tous ces essais, la réforme de l'orthographe soumise au peuple français. Mais la langue est ma patrie, ces mots sont des fleurons, ces phrases des prairies, ces livres des maisons. Les mots ont un visage rocailleux ou poli, tendre, ardent ou sauvage, un visage qu'on lit. La langue a son génie, tant pis pour ses excès. Laissons, je vous en prie, leur gueule aux mots français. S'ils sont souvent difficiles, tant mieux. Ces langues de rois, de penseurs, d'esprits agiles, et s'il arrive parfois que fixant leur écriture, elle orne un peu trop les mots, c'est par goût d'enjolivure comme une fleur au chapeau. La voilà qui court en ville pour dénicher au faubourg quelques nouveaux tours de style qu'elle emporte avec amour. Écrivant le beau nom d'homme, elle met deux M au milieu, car elle sait depuis la pomme qu'un homme, un vrai, en a deux. Mieux, la cloche sonne. Avec un N en moins, c'est une cloche à tône qui sonnera demain. hirondelles et pucelles prennent deux ailes. Pourquoi vouloir rogner une aile à ces douze oiseaux-là? La langue a son génie, tant pis pour ses excès. Laissons, je vous en prie, leur gueule aux mots français. Le français, comme la nature, plaît par sa diversité. Changerons-nous sa figure pour lui faire une beauté pin-up, genre grand magazine. Publicité pour beaux seins. Produits calibrés d'usine à l'usage des fantassins. Voués au jeu solitaire dans quelques guerres du droit. Comme le célibataire refoulé dans son lit froid. Il faudrait, suite logique, réformant nos monuments, raser nos flèches gothiques qui ne sont plus à l'alignement. Non, la langue a son génie. Tant pis pour ces excès. Laissons, je vous en prie, leur gueule aux mots français. Bernard Cerchiglini, bonjour. Bonjour. Je vous ai offert pour ouvrir notre conversation une chanson qui s'intitulait « La réforme de l'orthographe ». Ça tombe pile. Une chanson de Gilles et Urfer qui remonte à 1952. Gilles est un chanteur suisse, mais fort intéressé par les affaires françaises. Je pense qu'on peut le situer dans le camp plutôt des conservateurs, non? Ah oui, tout à fait. Merci de m'avoir fait entendre aux auditeurs cette chanson. Je vous en prie. Qui est d'abord un bel éloge de la langue française. On y entend « La langue est ma patrie ». C'est exactement ce qu'Albert Camus écrivait à l'époque. Et on entend aussi « Les mots sont un visage », c'est-à-dire que c'est la définition du point de vue conservateur. On lit avec les yeux, on a une mémoire de l'écrit, on ne prononce pas, c'est ce que j'appelle le graphocentrisme. Ils sont là dans la position conservatrice que l'on connaît depuis le XVIe siècle. La mémoire visuelle. Mémoire visuelle. Je remarque que Gilles et Urfer, en 1952, rejoignent le point de vue de la grande majorité des Français, puisque d'après un sondage du Nouvel Observateur, de l'Obs, un sondage d'un numéro récent auquel vous avez participé vous-même, 82% des Français pensent que la réforme de l'orthographe est une mauvaise chose. Quand on explique et qu'on fait comprendre qu'il s'agit d'ajuster, de faire évoluer un code, les gens comprennent. Mais la première réaction, elle est totalement claire et on peut aussi la comprendre, c'est de refuser de changer les habitudes visuelles et surtout ce patrimoine culturel que l'on a acquis difficilement à l'école. L'orthographe, les bijoux chou caillou, l'accord du participe, ça a été douloureux, on l'a acquis, on en est fier, on ne veut pas s'en déprendre. Et dans le même temps, 61% des Français disent que l'orthographe est une cause d'inégalité sociale. Vous savez, la question de l'orthographe est une tension perpétuelle, une contradiction. Que on ait un rapport contradictoire à l'orthographe n'est pas étonnant. Il est vrai que les gens savent que on est classé socialement par l'orthographe. Envoyer un CV bourré de fautes, vous ne serez pas engagé. Donc, il faut défendre une orthographe dont on sait qu'elle est difficile et par suite, on pourrait normalement être séduit par l'idée d'une simplification ou d'une meilleure pédagogie. Il y a là une contradiction qui est en jeu dans notre rapport à la langue écrite. C'est à la fois très sérieux et parfois empreint d'un peu d'humour. J'observe que vous avez été recruté il y a quelque temps par l'Oulipo, le fameux Oulipo, ouvreur de littérature potentielle. En effet, en 95, oui. Et vous nous dites que vous y êtes entré parce que vous leur avez proposé une réforme de l'orthographe qui consistait à la compliquer. C'était une réforme oulipienne de l'orthographe. L'Oulipo invite de temps en temps quelques écrivains ou quelques savants. Et j'ai été invité, d'où après mon élection. Et j'ai en effet expliqué qu'il convenait systématiquement de doubler les consonnes, de mettre des Y partout, ce qui est une façon aussi de régulariser. On ne régularise pas forcément en simplifiant. Eh bien voilà qui va donner, comment dire, du peps, je ne sais pas comment vous écrivez peps, du peps à notre conversation, qui va naturellement nous conduire d'abord loin en arrière, puisque, vous en êtes d'ailleurs un spécialiste, on a pu parler du mythe d'un âge d'or qui aurait été le français du premier Moyen-Âge, au moment où il y aurait eu un effort, quand surgit notre langue, pour adapter, pour assimiler le plus près possible l'écriture au parler. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? C'est un très beau mythe, comme tous les mythes fondateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mythe soit porté par les réformateurs, qui sont par là même un peu réactionnaires. Beaucoup de réformateurs disent « revenons à la belle graphie du XIIe siècle ». On dit qu'au XIIe siècle, quand on s'est mis à écrire, on est passé de la parole à l'écrit. On a donc écouté la parole, il s'agissait de textes composé dit oralement, et qu'on a transcrit clairement. Et donc, on aurait une graphie totalement transparente et simple. C'est globalement vrai. Le mot « tan » s'écrivait « t-a-n » chez Chrétien de Troyes, ou « t-e-n », tout simplement. Mais apparaît un autre mythe, qui est le mythe du second Moyen-Âge. Le Moyen-Âge sombre, de la fin du Moyen-Âge. On a là une opposition bien connue des historiens, entre un Moyen-Âge roman, un Moyen-Âge gothique, un Moyen-Âge clair, un Moyen-Âge obscur, transcrit dans l'orthographe, car à la fin du Moyen-Âge apparaissent toutes ces consonnes que j'appellerais volontiers gothiques qui viennent s'ajouter, ces consonnes surnuméraires. Les réformateurs, les historiens de l'orthographe, c'est tout la même chose, disent il faut éliminer ces orthographes pour revenir à cette graphie romane pure. C'est un peu un mythe. On ne construit pas une réforme de l'orthographe sur un retour en arrière. D'autant plus qu'au XVe siècle, les consonnes qu'on a ajoutées n'étaient pas seulement pour construire quelques cathédrales gothiques, c'était aussi pour latiniser l'orthographe et la stabiliser. Nous y reviendrons. Il y a d'ailleurs un écho déjà là avec notre 20e ou notre 21e siècle. Je vois le débat des linguistes avec l'un d'entre eux, c'était Farrell, je crois, qui s'amusait à dénoncer une orthographe qui aurait consisté à écrire « Il y a un jardin où il y a ni ni ni fleur, ni ni ni, et ni et ni et ni ». Oui, s'ils ont transcrit l'oral. Et du coup, au 15e siècle, eh bien, le temps qui s'écrivait T-A-N ou T-E-N est devenu T-E-M-P-S parce qu'il y a derrière tempus. Et donc une orthographe qui devient importante, qui devient prestigieuse, qui devient monumentale. Avec l'idée de l'instantané d'un côté, de l'écoute, de l'immédiateté du contact avec la signification, et de l'autre, dans les mots, la permanence de leur propre histoire. Quand on écrit « temps », effectivement, « PS », c'est à cause de « tempus », donc cela donne une sorte de recul par rapport au vocabulaire lui-même. Et c'est une prise en compte de la réalité de l'écrit. C'est scribes de la fin du Moyen-Âge, pour lesquels les réformateurs et historiens de l'orthographe ont le plus grand mépris, avaient compris d'où venait le français, avaient compris la nécessité de la stabilité de l'écrit et de sa monumentalisation. Ils n'étaient pas ces grimauds de collège que l'on méprise. Eh bien, nous allons les réhabiliter. Nous les réhabilitons déjà. Et nous en serons assurément reconnaissants depuis le lieu où ils sont. Le XVIe siècle est un tournant très important. Il hérite de cette orthographe monumentale que certains jugent compliquée et il met en place la dichotomie, c'est-à-dire faut-il fixer l'orthographe par l'oreille ou par l'œil, faut-il la fixer par la prononciation ou par la référence au latin. Se construit l'opposition progressiste-conservateur. Aussi vivante aujourd'hui que jamais. Aussi vivante, mais qui est doublé par d'autres oppositions, l'œil ou l'oreille, l'histoire ou l'actualité, et puis la lecture pour tous, et c'est le point de vue de tous ceux qui veulent donner les textes saints à lire à tout le monde, réformateurs et réformés, et au contraire, ceux qui pensent que l'écrit est élitiste, latine, et je dirais tout simplement catholique. Toutes les composantes d'aujourd'hui sont déjà là. La question sociale, est-ce que c'est la langue de l'élite, effectivement, et l'idée de cette intensité, cette profondeur à conserver ou non de la langue dans son histoire. Ce qui est fascinant, c'est que tout est en place au XVIe siècle. Quand on lit les débats entre Louis Maigret, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, il est lyonnais comme moi, et qui est un réformateur, c'est un homme qui écrit avec vigueur, et en face, les conservateurs, Guillaume des Autels ou Théodore de Bèze, qui sont des gens intelligents, on a un débat presque sans fin. Alors restituons-le, ce débat, il est passionnant. Maigret, ça ne s'écrit pas comme le commissaire, c'est M-A-I-G-R-E-T. Voilà, c'est pas comme le commissaire, c'était Louis Maigret, il signe Louis Maigret lyonnais. Il est d'une très bonne famille, il a un frère valet du roi, un autre magistrat. C'est un homme très emporté, il a sans doute, avec Marot, mangé un peu de lard pendant Carême et fait de la prison pour cela. Il disparaît pendant nombreuses années, je pense qu'il était à l'armée, car quand il revient, son style est plein de métaphores guerrières. Il faut remparer cette question, dit-il. Et ce qui est intéressant, c'est que Maigret est bien connu l'auteur de la première grammaire du français, en 1550. C'est donc notre père à tous, le père de la grammaire française. Mais ce qu'on ignore, c'est que 8 ans auparavant, en 1542, il a publié un pamphlet contre l'orthographe, un traité touchant au commun usage de l'écriture, qui est la fondation même de la grammaire française. C'est un pamphlet contre l'orthographe. Et tout est en place. Il explique que l'orthographe est incohérente, qu'elle utilise des lettres superflues, qu'elle doit suivre la prononciation, qu'elle devient rigoureuse. Bien, je vous ai trouvé un fils spirituel, contemporain, ou presque contemporain. C'est un extrait de la Tribune de Paris, 14 octobre 1949. Nous donnons la parole à Marcel Passera. Moi, j'estime personnellement qu'un des inconvénients de l'orthographe, c'est de surcharger les textes, de faire écrire un grand nombre de lettres inutiles, alors qu'en adoptant non seulement l'orthographe, mais un système d'écriture nouveau, on arriverait à imprimer un tiers de texte environ de plus dans des conditions égales. Par conséquent, monsieur Passera, vous voulez non seulement réformer l'orthographe, mais aussi réformer l'alphabet. Parfaitement. J'estime que ce serait utile, car ce serait ôter une entrave à l'expression de la pensée écrite, entrave qui est la surcharge de nos textes avec notre orthographe et notre alphabet traditionnel. Même si on n'était pas aussi radical que moi, on pourrait par exemple faire une réforme basée sur l'adoption, avec certains amendements, d'un alphabet phonétique, d'un alphabet des phonétistes. Oui, déjà, ça paraît évidemment, ça paraît évidemment, c'est la solution logique, de logique pure vers laquelle on se tourne. Est-ce que vous l'envisagez dans son intégralité, monsieur Passera? Pas tout à fait. J'estime qu'il faudrait admettre certaines restrictions. Par exemple, je maintiendrai, pour éviter les confusions entre mots de même prononciation, les doubles consonnes dans des mots tels que maître, le verbe, reine, l'animal, le reine, le ver, avec deux R, pour ne pas confondre avec des mots de même prononciation. Il est certain également que dans des phrases comme enfant, soyez sage, au pluriel, se prononce comme enfant, soyez sage, au singulier. Évidemment. J'entendais de Limoges un évidemment de M. Galichet qui appelait incontestablement à un mais. Eh bien, ce mais, si vous voulez bien, Monsieur Galichet, prononcez-le tout de suite. Mais bien sûr, monsieur, si on suivait Monsieur Passera, il faudrait changer l'alphabet français, il faudrait changer complètement la langue. Et ne croyez-vous pas que c'est là une utopie? Nous aurions une résistance du public, et le public ne suivrait pas. Nous baignons dans une immense littérature imprimée, n'est-ce pas? Et je ne pense pas qu'on suivrait Monsieur Passera. Je ne demanderai pas que l'État impose brutalement cette néographie pour tous les écrits, mais seulement qu'il les imposa, au moins au début, pour un certain nombre d'écrits. L'ensemble des livres scolaires, et encore avec certaines exceptions. L'ensemble des textes officiels, par exemple. Oui, mais alors nous aurions deux langues écrites, alors la confusion serait encore plus grande, ne pensez-vous pas, monsieur Passera? Je ne pense pas qu'il y aurait là une confusion, ces deux langues ne se confondraient pas entre elles, justement parce qu'elles seraient nettement distinctes. Je vous voyais, Bernard Cerchiglini, au bord du fou rire, en écoutant ce monsieur Passera, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu ensuite. Les réformateurs de l'orthographe sont charmants, car ils ont un côté concours Lépine. Dans leur petit cabinet, ils se mettent à repenser l'orthographe, à réformer, puis à fonder un nouvel alphabet, et de proche en proche, à changer la langue et à la rendre complètement incompréhensible. Le réformateur épris de transparence n'est compris par personne. Cela me rappelle Honorat Rambaud au XVIe siècle, propose de non seulement réformer l'orthographe, mais de passer à un autre alphabet. Ce qui me fascine, c'est que Jean de Tournes, grand imprimeur, a fondu 53 caractères pour imprimer le livre de Honorat Rambaud, caractères qui n'ont servi qu'à cet ouvrage. Ouvrage qui est illisible, car il est écrit selon l'alphabet d'Honorat Rambaud. Donc de Rambaud à Passera, c'est la même chose. Avec cette différence, c'est que Passera est en pleine contradiction. Nous l'avons entendu. Il a dit, mon orthographe, avec le nouvel alphabet, suit la prononciation. Sauf quand elle est ambiguë. Et l'écrit doit désambiguiser. Enfant, soyez sage, c'est du singulier ou du pluriel. Qu'est-ce qu'il a fait, Passera, ce faisant? Il a compris la réalité de l'écriture, qui est toujours hors contexte et qui doit avoir des marques de désambiguisation. Ça me rappelle ma grand-mère qui me racontait que vers 1890, elle avait fait une grave faute dans une dictée. On lui avait dicté « Les vautours nichent dans les rochers ». Elle avait écrit « Les veaux tournichent dans les rochers ». Merveilleux, merveilleux. Et donc, l'écrit est là pour désambiguiser. Il y a une réalité de l'écrit, la graphie ne peut pas suivre seulement l'oreille. Les réformateurs qui, comme Maigret, disent « on calcule la graphie selon la prononciation », se trompent, ils n'ont pas compris ce qu'est l'écrit. D'où ce débat sans fin. Dès ce XVIe siècle, Maigret explique que l'orthographe en usage souffre de trois défauts. La diminution, l'usurpation et la superfluité. Je voudrais que vous nous expliquiez ça, Bernard Cerculini. Il a raison. C'est-à-dire qu'il prend l'orthographe telle qu'elle vient du Moyen-Âge. Diminution quand un son n'est pas transcrit par une lettre. Il prononçait « mon cher ami », il était lyonnais, et on écrivait à l'époque « CHER ». Donc le son, le iode de « chier » n'est pas transcrit. Usurpation, quand une lettre est mise à la place d'une autre, par exemple « C » ou « T » peuvent se prononcer ainsi, donc le « T » peut se prononcer « te » ou « cieux », ce qui n'est pas logique. Et puis la superfluité, qui est le vice majeur, c'est quand on a dans l'écrit une lettre qui ne correspond encore à aucun son. Pourquoi c'est le vice majeur? C'est parce que pour Maigret et tout le courant réformateur, l'écrit doit suivre la prononciation. Donc, autant de sons que de lettres. Si on a des lettres en trop, il y a là quelque chose qui ne va pas. L'adversaire résolu de tout le courant réformateur depuis Maigret, ce sont les lettres en trop, ces lettres étymologiques, c'est le PS de temps, ainsi de suite. Et en face de Maigret surgissent des adversaires. Jacques Pelletier-Dumont, auquel vous faites un sort dans vos écrits, Bernard Cerculini, qui vient prendre dès ce moment-là une position adverse. Modéré. J'aime beaucoup Jacques Pelletier-Dumont, qui, comme mon ami Jacques Roubaud, est à la fois un grand poète et un grand mathématicien. La plupart de nos auditeurs aiment aussi beaucoup Jacques Pelletier. Oui, en effet. Il faut relire. Et en particulier, il y a un dialogue de l'orthographe et de la prononciation qui pourrait être mis en scène. C'est un dialogue du pour et du contre, des conservateurs et des progressistes. Et il donne la parole à Théodore de Bèze, qui est un conservateur intelligent. Alors, protestant éminent. Cela ruine ma thèse car il est protestant. On le voit à la promenade des Bastions à Genève. Il est avec les grands maîtres du calvinisme. Pourquoi est-ce que ça ruine votre thèse? Parce que j'ai toujours expliqué que les réformateurs de l'orthographe étaient plutôt des protestants ou des progressistes. Alors, je reviens à mon Théodore de Bèze. Pourquoi est-il conservateur? Parce qu'il est latiniste. C'est un très grand latiniste et c'est aussi un pédagogue. C'est-à-dire que il a enseigné le latin, le français, des étudiants allemands. Et il sait ce que c'est que la pédagogie du français. Et il sait que l'écrit n'est pas lié à la prononciation, que l'écrit, comme j'ai dit tout à l'heure, est décontextuel. Et il a, dans le débat pour ou contre la réforme, il a cette formule extraordinaire. On ne lit pas à haute voix. Quand on lit, c'est pour percevoir l'intelligence du sens. On lit avec les yeux. Et ça, c'est une pierre massive dans le jardin des réformateurs. Théodore de Bèze dit « Moi, je peux lire tout un livre sans prononcer, donc je n'ai pas besoin de la prononciation. En revanche, mon œil doit reconnaître les formes. Et T-A-N, je ne reconnais pas. Mais T-E-M-P-S, j'en ai l'image oculaire, je sais ce que c'est. Et si moi, je suis un intellectuel allemand de l'époque, je connais le latin. » Quand je vois TEMPS, je comprends Tempus et je comprends le mot. C'est-à-dire que Théodore de Bèze est dans une perspective élitiste, mais après tout, qui savait lire et écrire à l'époque? Dans une perspective latinisante, dans une perspective professionnelle. L'orthographe, elle est faite pour ceux qui lisent professionnellement. C'est toute la question des homonymes. Temps, ça peut être l'insecte, ça peut être la durée, ça peut être l'adverbe. Le français est bourré d'homonymes. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que le français est la langue romane la plus éloignée du latin. Le français, langue fortement germanisée, a subi une évolution phonétique, une érosion telle qu'elle a produit énormément d'homonymes. Si vous prenez toute cette série que vous devez me citer et que vous traduisez en espagnol, en roumain, en italien, vous aurez des mots différents. Donc, il y a beaucoup d'homonymes en français, d'où la nécessité à l'écrit de les distinguer. Et on les distingue en ajoutant des consonnes par une référence étymologique ou autre. Mais est-ce que ce n'est pas justement une différence avec d'autres langues issues du latin? Est-ce que En espagnol, il n'y a pas une bien moindre distance entre le parler et l'écrit. Oui, car l'espagnol et surtout l'italien ont connu des réformes non problématiques, dans la mesure où ce sont des langues aussi qui ont été écrites plus tard, qui n'ont pas cette tradition de grammaire et de dictionnaire, mais qui ont pu se réformer. On écrit l'italien actuellement à peu près comme on le prononce. Le français est un monument de latinité perdue et reconstruite, et le français aussi est une langue qui a besoin de désambiguiser. Vous évoquiez tout à l'heure, Bernard Cerchiglini, vous évoquiez le rôle des imprimeurs. J'aimerais qu'on développe cela, puisqu'évidemment, l'invention de l'imprimerie a un rôle essentiel dans l'histoire de l'évolution de l'orthographe, qui est le sujet de notre émission de ce matin, et la question de l'opposition entre ce qu'on peut appeler très grossièrement les conservateurs et les réformateurs. Cela a beaucoup compté, l'apparition des imprimeurs comme groupe, comme caste spécifique. Certainement, dans cette série d'oppositions entre le progrès et l'ordre, l'œil et l'oreille, il faut ajouter la main et la machine. On pourrait dire que l'orthographe traditionnelle française, celle qui a été élaborée au XVe siècle et qui est critiquée par les réformateurs, est manuscrite. On utilise très peu d'accent. On ajoute des lettres dans la foulée, par exemple un S devant le T, test, tête, d'accord ? S'oppose la machine, c'est-à-dire les imprimeurs au XVIe siècle. Vous allez me dire, ils sont pour la plupart protestants et on est renvoyé à la question précédente. Mais pas seulement, ils sont aussi de grands professionnels et ils savent que ajouter une lettre qui ne se prononce pas, c'est un geste de plus pour aller chercher le caractère dans la casse. En revanche, aller chercher une lettre accentuée n'est pas plus fatigant qu'une lettre non accentuée. Donc, pour des raisons professionnelles, ils veulent une orthographe beaucoup plus claire, transparente et qui n'utilise pas de lettres supplémentaires. Il n'empêche que Plantin d'abord, d'Angers passé à Anvers, puis les Elzévirs utilisent une orthographe beaucoup plus simple. En particulier au XVIIe siècle, ils impriment des textes français, par exemple La Fontaine, en petits livres qu'ils diffusent clandestinement en France, mais tout le monde au XVIIe siècle a La Fontaine dans l'édition Elzévir, avec des circonflexes, avec des consonnes simples, ainsi de suite. Ils mettent en place cette orthographe des imprimeurs qui va être une des orthographes modernes du XVIIe siècle. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le I, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y'a pas d'erreur, là, y'en a une. J'en mourirai, n'est pas français, ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute, là, y'en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera, et tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau. cette fameuse chanson de Gainsbourg de 1961, en relisant ta lettre, nous conduit vers notre modernité, mais nous éloigne pas tellement, Bernard Cerchiglini, de ce XVIIe siècle. On est déjà à distance de Montaigne. Quand il envoyait ses écrits pour être imprimés, on voit sur l'exemplaire de Bordeaux qu'il a écrit « Suivez l'orthographe ancienne ». Avec écrit NTIE2NE, oui. Comme une ancienne aujourd'hui, au sens de formule qui est répétée régulièrement. C'est intéressant parce que Maigret est un ami de Montaigne, mais il n'a pas convaincu. Montaigne est plutôt du côté des conservateurs dans ce domaine. On suit l'orthographe ancienne, car on est en plein débat au XVIe siècle. Il n'y a pas encore l'Académie française, c'est-à-dire il n'y a pas encore d'autorité en orthographe. Tout le monde écrit comme on l'entend. Ronsard, par exemple. Ronsard, pendant une quinzaine d'années, plutôt, lui, il est un ami de Maigret. Il le consulte régulièrement. Ronsard, pendant 15 ans, utilise une orthographe simplifiée. Et tous les jeunes poètes qui sont autour de lui font de même. Et puis arrive ce qui arrive avec tout le monde, c'est-à-dire que Ronsard cesse d'utiliser une orthographe simplifiée. Alors le XVIIe siècle, c'est un tournant essentiel avec notamment l'apparition de ce corps majeur que constitue l'Académie, qui est fondée précisément avec la finalité d'organiser de façon régalienne l'orthographe et de dépasser ses errances. Et l'Académie prend son temps. Elle est fondée en 1635, elle a pour mission d'écrire un dictionnaire, notamment une grammaire qu'elle publiera seulement au XXe siècle, et le dictionnaire doit choisir une orthographe. Simplement, l'Académie tarde. C'est Vaugelas qui est chargé du dictionnaire, il y meurt à la tâche proprement. 1650. Il faut tout reprendre, on demande à Mézeray de prendre, qui est moins grammairien que c'est un historien, que Vaugelas. Et finalement, c'est en 1694 que l'Académie publie son dictionnaire et donc que l'on peut lire la norme orthographique. Or, l'Académie a le choix, elle a le temps de débattre et elle débat. Elle a au moins devant elle, trois orthographes, je dirais. L'orthographe traditionnelle, l'orthographe ancienne, Montaigne. Elle a l'orthographe des dames, puisque les précieuses, beaucoup moins ridicules que ce qu'a dit Molière, les précieuses utilisent une orthographe simplifiée, elles ne connaissent pas le latin, elles suivent leur oreille et leur goût. Et puis l'orthographe hollandaise, c'est-à-dire les Elsevier et autres qui diffusent en France. Mézeray prend position, au début en tout cas, puisqu'il dit « La compagnie déclare qu'elle désire suivre l'ancienne orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes. » Oui, alors c'est une phrase qu'on trouve dans un manuscrit de Mézeray qui n'a pas été reprise par l'Académie en 1694. Et qui témoigne des hésitations, des incertitudes. En effet, et d'ailleurs, Mézeray fait circuler un cahier dans lequel il propose une orthographe et il demande aux académiciens de débattre. On a gardé ce cahier et c'est extraordinaire car on a les réactions des académiciens. Ce sont pas les plus grands d'ailleurs, à part Bossuet, qui c'est allemand, etc. Et on voit comment peu à peu les académiciens sont intéressés par une orthographe latinisante, élitiste, masculine, baroque. Une orthographe de la contre-réforme. L'orthographe est donc sexuée? Ah, totalement. Pour moi, oui. L'orthographe. Et je ne veux pas parler des consonnes phalliques qui s'élèvent au-dessus de la ligne, mais il y a un petit peu de ça. Vous parlez de ce que vous voulez ici. Vous savez, c'est très libre. Nous sommes à France Culture et nous sommes libres. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Théodore de Bèze parlait des maigres, de la maigre orthographe des réformateurs. Il se moquait de Maigret. Mais il y a cela. C'est-à-dire que l'orthographe réformée, elle est un petit peu simple, elle est pauvre. L'orthographe de la contre-réforme est baroque et elle multiplie les lettres à ample et à grand jambage. Finalement, celui qui est le plus intelligent dans ce cahier, ça ne va pas vous étonner, c'est Bossuet. Et Bossuet dit, comme Théodore de Bèze, mais il ignore qu'il est d'accord avec ce grand calviniste, lire, c'est lire avec les yeux. Et c'est comprendre des formes que l'on connaît et auxquelles on est habitué. Et qu'on doit comprendre parce que l'oral est ambigu. Il explique ça très bien et il demande à l'Académie de prendre l'option conservatrice. Le problème, c'est qu'elle le suit avec une grande ardeur. Non seulement elle prend le point de vue conservateur, mais elle choisit l'orthographe la plus ancienne et la plus traditionnelle, hérissée de consonnes superflues et surtout refusant les accents. Dans la préface de 1694, on a une formule d'un grand mépris. L'Académie n'a pas cru suivre l'invention de certains imprimeurs et retrancher le S devant le T. Elle vise par là même le circonflexe qui, à l'époque, est le héros des réformateurs. C'est un révolutionnaire, le circonflexe. Et l'Académie française, en 1794, n'utilise ni le circonflexe, ni même l'accent grave. Elle écrit « père » et « mère » avec des accents aigus. C'est une orthographe traditionnelle et qui est peut-être un petit peu catastrophique dans ses choix. En tous les cas, l'Académie l'a reconnue elle-même ensuite. On n'a pas encore inventé le Macron, si je comprends bien. On n'a pas encore inventé le Macron. Il faudra attendre l'abbé d'Olivet pour cela, en 1740. Cette barre horizontale qu'on met au-dessus d'une voyelle pour indiquer qu'elle est longue et qui peut remplacer les autres accents. Oui, le Macron remplace tout, en effet. Émergence du Macron, intéressante à souligner. L'accent circonflexe, le voilà, l'accent circonflexe. Vous y avez consacré tout un ouvrage, Bernard Cerchilini, tout un ouvrage à l'accent circonflexe. C'est tout à fait passionnant de voir son évolution, effectivement, son mouvement. Au début, c'est le parangon du mouvement. Et aujourd'hui, il a été souvent attaqué, puisqu'on a envisagé tout récemment, au moment de cette réforme qui paraît d'ailleurs est en train de s'échouer, si j'en comprends bien ce qu'a dit le secrétaire perpétuel Hélène Carrère-Dancausse. Dans les manuels, il semble qu'on aille moins vite que certains l'avaient rêvé. L'accent circonflexe, ambiguïté, je voudrais que nous y attardions un instant, puisqu'il est devenu assez symbolique. Je relevais dans l'hebdomadaire Le Point un très piquant article de Patrick Besson qui s'amusait à écrire un texte en ayant supprimé tous les accents circonflexes. Cela aurait fait plaisir, je crois, à votre cher Georges Perec de l'Oulipo. On pourrait imaginer, par exemple, de dire on aurait souhaité que Jérôme se mêla de l'arôme de la pâquerette. Écrivez-le. Se mêla, il y a deux accents circonflexes. Écrivez-le, vous aurez un peu de peine, effectivement. On vient toujours à l'idée de la photographie, que l'œil considérant l'expression écrite et non pas ce qu'on peut entendre à l'oreille. On le retrouve là à propos de l'accent circonflexe. Curieusement, en supprimant les circonflexes, on revient à l'orthographe la plus traditionnelle. Je m'explique. Je l'ai dit tout à l'heure, l'orthographe traditionnelle est manuelle. Elle n'aime pas les accents. L'accent, au départ au XVIe siècle, il provient des imprimeurs, des réformateurs, des philologues. L'accent, c'est un peu une édition de l'orthographe. On ajoute des choses. Ce qui gêne pas les imprimeurs, car c'est le même caractère. Et l'Académie, jusqu'au XVIIe siècle, refuse cela. On écrit dans la lignée. Finalement, en 1740, elle a élu entre-temps l'abbé d'Olivet, qui est un excellent phonéticien, qui la convainc qu'on doit marquer la disparition de certaines consonnes, car elles ont allongé la voyelle qui précède. Tête, test, tête, le « e » est long sous l'accent. Et donc, Olivet parvient à convaincre ses confrères qui adopte l'accent circonflexe. En 1740, le S ou l'allongement en général, comme dans âge, qui est anciennement AH, prennent le circonflexe. Et du coup, l'Académie adopte aussi l'accent grave. Sauf quand l'imprimeur a manqué d'accent grave. Car, eh ben oui, il n'avait pas prévu que l'Académie allait passer à l'accent grave. Et le brave imprimeur doit commencer à composer son dictionnaire en n'ayant pas ses accents. Et quand il compose événement, il n'a pas l'accent grave. Événement. Alors que met-il ? Il met un accent aigu en disant personne ne s'en apercevra et puis on changera ça à la prochaine édition. Voilà pourquoi on a ennuyé des générations d'écoliers qui savent que l'on prononce événement comme avènement ou chevènement et qui ont dû mettre un accent aigu. En 90, nous avons enfin rectifié cette anomalie due à un manque de caractère ou un retard chez le fondeur en 1740. Donc je reviens. Mais ne dites pas trop fort, parce que pour ma génération, l'idée encore d'écrire événement avec un accent grave sur le deuxième E, c'est à peu près insupportable. Il est curieux de voir pourquoi, effectivement, on nous a enseigné que pouvaient se distinguer socialement ceux qui écrivaient événement avec un accent grave et ceux qui écrivent deuxième avec un accent aigu. Tout ça est fini. On s'en félicitera peut-être. Oui, d'ailleurs, cette réforme de 90-91 porte ses fruits puisque les dictionnaires usuels maintenant utilisent événement avec un accent grave. L'affaire est réglée. Et donc, l'Académie française a donc accepté l'accentuation qui était la méthode des réformateurs. Et le circonflexe, elle l'a académisé. Et du coup, il est devenu une sorte d'icône de l'orthographe. Pourquoi ? Parce que l'accent circonflexe, c'est un accent du souvenir. Il est là pour montrer qu'il y a eu une consonne ou une voyelle disparue. Il est là pour inscrire dans le temps l'orthographe. Il est donc devenu admirablement conservateur. C'est l'histoire du révolutionnaire devenu préfet. Quelle histoire ! Et donc, aimer l'orthographe maintenant, c'est adorer l'accent circonflexe. Et c'est pourquoi d'ailleurs certains souffrent de voir que Internet, que la toile, en particulier les courriels qui nous viennent des pays anglo-saxons, tentent à supprimer tous les accents, notamment le malheureux accent circonflexe. Oui, car le français est une langue accentuée. Les réformateurs ont gagné dans ce domaine. On ne peut pas écrire le français sans accent. Je passais un jour porte-maillot et j'ai aperçu le palais des Congres. Allons bon, oui. Mais oui, donc j'ai compris l'importance de l'accent grave sur le E. En tout cas, à partir du 19e siècle surtout, il devient apparent que... À l'école, on doit apprendre l'orthographe et que ce rôle de distinction au sens de Bourdieu entre les groupes sociaux, entre les classes, s'impose. C'est pourquoi d'ailleurs que Jules Ferry veut tellement que le certificat d'études porte notamment une capacité de maîtriser l'orthographe. On dit souvent que ces générations l'ont admirablement connu. Quand on regarde les lettres des poilus de 1914-1918, on s'aperçoit que c'est assurément inégal. Et d'ailleurs, un signe s'en retrouve chez l'admirable Labiche, le dramaturge du 19e siècle. Voici un extrait de l'une de ses pièces les moins connues qui s'appelle « La grammaire ». Je l'emprunte à la fabrique de l'histoire de notre cher Emmanuel Laurentin. C'est une émission du 5 décembre 2006. La grammaire d'Eugène Labiche. Scène 6, Caboussa, Blanche. Ah, chère petite, sans toi, dépliant le papier, comment trouves-tu le commencement ? Très beau. Messieurs et chers collègues, l'agriculture est la plus noble des professions. Tiens, tu as mis 2 S à profession. Sans doute. Ah, oh, chère petite. Moi, j'avais mis 1 T, tout simplement. La plus noble des professions, avec 2 S. J'ose le dire, celui qui n'aime pas la terre, celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue, celui-là ne comprend pas la richesse des nations. Tiens, tu as mis 1 T à nation? Toujours. Ah, oh, chère petite. Moi, j'avais mis 1 S, tout simplement. Les T, les S, jamais je ne pourrais retenir ça. La richesse des nations, avec 1 T. Ah, papa, tu ne sais pas, Monsieur Poitrina vient d'arriver. Comment ? Poitrina des Tempes ? Oh, un vrai savant, lui. Où est-il, ce cher ami ? Je serai maire, le premier magistrat d'Arpajon, puis conseiller général, puis député, et après... Le portefeuille ? Qui sait ? Ah, mais non, ça ne se peut pas. Je suis riche, considéré, adoré, et une chose s'oppose à mes projets. La grammaire française, je ne sais pas l'orthographe. Les participes, surtout, on ne sait pas par quel bout les prendre. Tantôt ils s'accordent, tantôt ils ne s'accordent pas, quel fichu caractère. Quand je suis embarrassé, je fais un pâté, mais ce n'est pas de l'orthographe. Lorsque je parle, ça va très bien, ça ne se voit pas. J'évite les liaisons. À la campagne, c'est prétentieux et dangereux. Je dis « je suis allé ». Il prononce sans lier « laisse » avec « là ». Ah, dame, de mon temps, on ne moisissait pas dans les écoles. J'ai appris à écrire en 26 leçons et à lire, je ne sais pas comment. Puis je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente. Je cube, mais je ne rédige pas. Pas même les discours que je prononce. On me croit savant. J'ai une réputation. Mais grâce à qui ? C'était Labiche. Extraordinaire. Je cube, mais je ne rédige pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est au 19e siècle et se met en place le marqueur social de l'orthographe. Jusqu'alors, personne n'avait vraiment d'orthographe, surtout dans la correspondance privée. Mais à partir de l'enseignement public mis en place par Guizot, puis par Ferry... On enseigne l'orthographe, même principalement, et ne pas avoir d'orthographe est vu comme une déchéance sociale. Guizot, c'est-à-dire l'époque de Louis-Philippe, dans les années 1830, au moment où il établit les premières grandes réformes pour l'enseignement populaire. Et où il choisit, il n'est pas encore académicien, il choisit comme norme celle du dictionnaire de l'Académie française. Il faut dire que c'est le moment où il y a une période de brève souveraineté de l'Académie, disons entre 1830-33 et les années 70, avec l'apparition de ses rivaux majeurs qui ont été les grands dictionnaires, Larousse, Littré, etc. Quelque chose s'achève. L'Académie garde l'autorité légale et morale, mais elle est concurrencée dans sa pratique par les grands dictionnaires, par Littré, par Larousse, qui sont d'ailleurs... républicain, progressiste et adepte d'une modernisation de l'orthographe. Arrivent donc des savants individuels, c'est Littré et Larousse, et puis au siècle prochain va arriver un nouveau personnage dans la scénographie, après le réformateur type savant fou ou concours Lépine, après l'académicien qui, par la statue, dit le droit en matière d'orthographique, le linguiste. Et au XXe siècle, on aura un nouveau personnage, d'où cette sorte de ménage à trois, le réformateur, l'inventeur, l'académicien qui, d'édition en édition, dit ce qu'est la norme, et puis le savant qui connaît l'histoire de l'orthographe et qui, de façon souvent mesurée, propose une réforme. Avec toujours l'intervention de l'État, plus ou moins, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, je vois que Léon Bourgeois, qui a été un grand personnage de ses débuts de la Troisième République, avait, quand il était ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, envoyé au recteur une circulaire relative à l'abus des exigences grammaticales dans la dictée. Déjà. Incroyable écho. Il disait, la pratique orthographique actuelle imposée aux élèves est dans bien des cas en contradiction flagrante avec l'enseignement grammatical donné dans toutes les universités. Il y aurait lieu, tout au moins, c'est toujours le ministre de l'Éducation nationale qui parle, on disait instruction publique à l'époque, il y aurait lieu, tout au moins, de ne plus imputer à faute aux élèves qui en usent les formes reconnues les meilleures par la science grammaticale. Voilà qu'émergent vos confrères, les spécialistes de la linguistique. L'orthographe, ajoute le ministre, ne saurait être soustraite plus longtemps par un dogmatisme intransigeant aux lois de l'évolution. C'est remarquable, absolument remarquable. Je sentais bien que ça vous plairait. Mais oui, beaucoup, merci beaucoup. Car c'est l'évolution phonétique, c'est l'évolution de la langue, c'est la modernisation. Ces grands républicains étaient des réformateurs de l'orthographe, bien sûr. Et surtout, ils étaient persuadés que l'orthographe qui importe, c'est l'orthographe grammaticale, que l'enfant doit utiliser son intelligence et non pas la mémorisation d'anomalies. Donc, de Littré à Bruneau, de Bourgeois à Bellay, on a là un accord entre les républicains au pouvoir et les savants qui les soutiennent et qui demandent à l'Académie de procéder de nouveau à une modernisation. Elle l'a fait en 1740, elle l'a fait en 1835. Écrire les imparfaits, les conditionnels, non plus OI mais AI, c'est important. Mais elle cesse de le faire car elle est en quelque sorte bousculée par des barbus républicains qu'elle n'aime peut-être pas trop politiquement et qui surtout... Sûrement pas, elle est orléaniste et encore un peu bonapartiste. Oui, naturellement, c'est le parti des ducs, naturellement, mené par le duc d'Aumale, elle n'aime pas ça du tout. Fils de Louis-Philippe, bien sûr. Et par ailleurs, son jugement, qui est une affaire de goût, est concurrencée par la dimension historique de la linguistique qui porte ce nom, linguistique historique, et qui vient dire à l'Académie, mais tu n'y connais rien, moi je sais, je suis un savant. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur même de votre corporation, celle des linguistes et des savants, Bernard Cerchiglini, il continue d'y avoir des désaccords, certains disant que on peut néanmoins préserver l'essentiel et d'autres qu'il faut bouger plus vite. Écoutez donc, à titre d'exemple, ce propos de René Timonier sur France Culture, le 18 janvier 1977. Je l'ai choisi parce qu'il me paraît assez topique. Timonier, vous l'avez fréquenté ? Non. Il était mort quand je faisais mes études, mais... Il ne voulait pas être désagréable. Non. Et tout le monde lisait le code Timonier. Je l'ai encore chez moi, bien sûr, dans ma bibliothèque. C'est un code qui portait quelle idée ? Que l'orthographe était beaucoup plus rigoureuse que l'on pensait et qu'il fallait enseigner la rigueur de l'orthographe selon une interprétation linguistique systématique. C'est donc un réformateur modéré, mais surtout un grand pédagogue de l'orthographe. Eh bien, écoutons-le. Si l'on en croit nombre de spécialistes ou de soi-disant tels, l'orthographe française n'est qu'un chaos, ou pour mieux dire, une simple codification de l'absurde. J'estime au contraire avoir démontré qu'elle forme un système, certes complexe, mais suffisamment cohérent pour se prêter à une étude raisonnée. En se référant aux nouvelles règles que je suis parvenu à établir, on peut démontrer, par exemple, qu'il est tout à fait normal d'écrire « honneur » avec deux « n » mais « honorable » avec un seul, « cantonnier » avec deux « n » mais « cantonal » avec un seul, « traditionnel » avec deux « n » mais « traditionaliste » avec un seul, « ressentir » avec deux « s » mais « parasol » avec un seul, « promontoire » avec un « nœud terminal » qu'on ne retrouve plus dans remontoir. Vous allez faire perdre beaucoup d'orthographes à nos auditeurs, j'ai l'impression. Et vertèbre avec deux ais ouverts, dont un seul, le second, doit être surmonté d'un accent. Il s'ensuit que la plupart des anomalies graphiques dénoncées par les réformateurs sont purement imaginaires et que pour résoudre le problème pédagogique de l'orthographe, ce n'est pas surtout l'orthographe elle-même qu'il faut réformer, mais la manière dont on l'enseigne. La manière dont on l'enseigne. Il y a là un choix qui installe ce timonier d'un côté, dans le grand duel entre les réformateurs et ceux qui sont plus conservateurs. Lui, il veut conserver en modifiant. C'est le discours scientifique, en étant en 77, c'est le premier à dire « il y a une rigueur dans l'orthographe, des règles que l'on fait apparaître, c'est le travail du linguiste ». Et donc lui, Timonier, garde principalement l'orthographe, il justifie « honneur » avant l'accent deux N, « honorable » après l'accent un seul N, ainsi de suite, on peut expliquer tout cela. Il maintient, il est donc un réformateur très très mesuré, mais surtout un pédagogue. Et il s'agit d'enseigner l'orthographe d'une façon intelligente et rigoureuse. C'est un changement de paradigme. Et toute la pédagogie nouvelle de l'orthographe doit à Timonier, qui a été une grande figure. Au lieu de se borner à cet exercice séculaire qui est la dictée. Alors, le grand adversaire, c'est la dictée, bien sûr. Et la dictée, c'est de la simple mémorisation, c'est bijouche ou caillou, cuisseau, cuisseau, c'est mérimée et les distractions chez Napoléon III à Chantilly. Jusqu'à Pivot, qui lui-même, d'ailleurs Bernard Pivot, était étonné du succès qu'a connu sa dictée, au profit d'exercices qui sont des exercices d'intelligence et de réflexion. L'orthographe est importante, son enseignement fait partie du cursus à l'école primaire qui doit faire appel à la raison de l'enfant. Nous sommes tous des élèves de Timonier de ce point de vue. Alors par exemple, comment ferez-vous appel à l'intelligence de l'enfant pour distinguer le cuisseau de veau, qui s'écrit comme chacun le sait bien sûr, 2-S-E-A-U, avec le cuisseau de chevreuil ou de sanglier qui s'écrit O-T. On dit que les cuisseaux de gibier sont ces cuisses de forte taille et que les cuisseaux de veau comprennent la cuisse et la région du bassin de ce petit animal. Je vous félicite Jean-Noël. Je dirais à l'enfant, écoute, tu ne t'embêtes pas à apprendre ça, tu ouvres un dictionnaire ou tu utilises un correcteur orthographique. L'important, c'est l'accord du participe, c'est la morphologie du verbe et c'est le pluriel. Confidentiellement, je viens de réviser la différence entre cuisseau et cuisseau, vous ne le direz à personne. Je m'en doutais. Alors, sous la lumière de cette perspective historique que nous venons de développer, Bernard Cerchiglini, comment peut-on analyser la réforme de 1990, la réforme de Michel Rocard? Là, vous étiez déjà assez mûr et assez présent dans le débat intellectuel des linguistes pour prendre position et pour soutenir cette réforme de 90. Je voudrais que nous la resituions. J'étais même délégué général langue française auprès du Premier ministre Michel Rocard et donc chargé d'animer le groupe d'experts qui a proposé cela sous la double autorité du Premier ministre et du secrétaire perpétuel Maurice Druon. L'historien est un témoin. Oui, un témoin engagé, en l'occurrence. Deux choses. D'une part, je l'ai dit tout à l'heure, l'Académie a choisi en 1694 une orthographe trop compliquée qu'elle n'a cessé de, je vais le dire, simplifier. Elle le dit dans la préface d'un de ses dictionnaires et elle l'a fait régulièrement. Jusqu'en 1932, édition du dictionnaire, où elle a changé en environ 400 graphies. Et puis, le travail s'est interrompu. Donc, ce que nous souhaitions, nous, les linguistes, c'était aider l'Académie à reprendre ce travail régulier, modéré, de simplification. C'est le premier point. Deuxième point, c'était conforter l'Académie dans son autorité. Elle n'était plus seule à avoir autorité sur l'orthographe. Il y avait d'une part, comme j'ai dit, ce nouveau personnage qui est le linguiste, qui connaît bien l'histoire de l'orthographe, disons Nina Katache, pour saluer sa mémoire. L'auteur d'un excellent petit que sais-je qui s'appelle l'orthographe. Tout à fait remarquable. Et il y avait aussi la francophonie. Il fallait, si l'on voulait continuer les ajustements, la suppression d'anomalies, mettre dans le coup, si j'ose dire, les Belges, les Suisses, tous ceux qui avaient des organisations et des institutions de protection de la langue. Et donc, nous avons bâti une petite réforme modérée en mettant autour d'une table, au sens propre, l'autorité morale, l'Académie, l'autorité scientifique, les francophones, arrivant à une simplification qui touche de fait environ 800 à 1000 mots fréquents. C'est tout, ce n'est pas grand-chose. mais nous avions oublié un personnage qui est le public. Le public qui, grâce à Jules Ferry, sait lire et écrire. Le public qui, grâce à Internet, écrit de plus en plus. On n'a jamais autant écrit le français, on n'a jamais autant lu, on n'a jamais eu autant d'images oculaires de l'orthographe. Un public qui a eu du mal à suivre. On dérangeait ses habitudes et il avait raison de se sentir dérangé. Vous aviez proposé à l'époque un certain nombre de modifications. Je le rappelle, l'usage du trait d'union qui évoluait. On écrivait porte-monnaie comme portefeuille. Le pluriel des mots composés, par exemple, les pèse-lettres, on pourrait mettre un S. Ah oui, c'est une réforme à laquelle je tiens. Va-t'en-guerre, vous mettez un S où? Non, c'est les mots formés d'un verbe et d'un complément. Je me rappelle, à un moment, j'étais dans le cabinet du perpétuel, Maurice Druon, et je lui dis, comment écrivez-vous au singulier un cure-dent? Alors, il me dit, je ne sais pas. Je dis, ouvrez votre dictionnaire. Alors, il ouvre le dictionnaire à cure-dent et il voit cure-dent au singulier S. Je lui dis, cure-ongle. Il regarde, cure-ongle, pas d'S. Il me dit, me demande pourquoi. Je dis, mais c'est pas à moi, c'est à vous. Je le demande, pourquoi? On n'a pas de règles. Sinon, faire appel au réalia. Hein, on devrait se curer une dent à la fois ou plusieurs ongles ou l'inverse. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Un pèse-lettre pèse peut-être une lettre, de même un bébé. Et donc nous avons proposé tout sauf simplement si de dire, ce sont des mots. Ils prennent un S seulement au pluriel. Et nous résolvons porte-avions, fume-cigarette, ainsi de suite. Je tiens à cette réforme. Pourquoi? Car elle permet d'écrire des mots décrivant des objets qu'on n'a pas encore inventés. Supposez que j'invente demain un pèse-molécule. J'aurai le prix Nobel pour ça. Je sais comment écrire mon pèse-molécule, avec un S seulement au pluriel. Il faut aider la néologie, il faut aider le progrès du français scientifique et technique et le rendre simple d'écriture. Le participe passé, vous nous aviez souhaité qu'il soit invariable dans le cas de laisser suivi d'un infinitif. Hein, elle s'est laissée mourir. Ce n'était pas le cas avant? Non, on devait accorder. C'est pas très toujours, difficile. Pas toujours. Pas toujours. Vous savez, Jean-Noël, je vous dois un aveu. Cette réforme, elle est la dernière du 19e siècle et la première du 21e siècle. C'est sa contradiction. J'ai parlé de contradiction aujourd'hui depuis le début de notre émission. Nous avons été contradictoire. Nous avons voulu achever ce que avait demandé Sainte-Beuve, Littré, c'est-à-dire mettre un air à chariot, un accent à événement, j'en ai parlé, ainsi de suite. Mais ça, c'était des choses qui traînaient dans nos tiroirs, voilà, c'était bien connu. C'est ce que j'appelle la dernière réforme du 19e siècle. Et puis, pensez au 21e, pensez aux enfants qui apprennent, et donc à ceux qui font de la néologie. On aurait peut-être dû s'occuper peut-être seulement de la deuxième partie, c'est-à-dire donner des règles simples, claires et pratiques pour former les mots nouveaux. Nous aurions peut-être eu moins de soucis et considéré que les anomalies maintenant relèvent d'habitudes oculaires et puis c'est comme ça. Mais on peut pas à la fois faire plaisir à Littré et faire plaisir à ceux qui vont inventer des mots. Je crois que on aurait dû se préoccuper seulement des seconds. Vous pensez que c'est incompatible, puisqu'il s'agit d'un côté des substantifs inédits, inconnus, et de l'autre, de la préservation d'une certaine tradition, comme vous dites, oculaire? Nous avons essayé de tenir les deux bouts. C'était difficile. N'y sommes-nous arrivés? L'histoire jugera, puisque maintenant, cette réforme se diffuse ou se diffuse pas. Elle ne se diffuse pas, nous dit-on, aux dernières nouvelles, puisque l'Emmanuel aurait renoncé à écrire... événement avec un accent grave sur le deuxième E? Non, les manuels scolaires, les grands éditeurs scolaires vont sortir, les livres sont prêts, ils vont sortir à la rentrée des manuels qui suivent les rectifications. Et les travaux de linguistes qui dépouillent la presse contemporaine voient se diffuser les rectifications. Mais lentement, simplement, ne brusquons pas les choses. J'ai évoqué votre joli livre, votre beau livre sur l'accent circonflexe, qui a figuré avec majesté au centre de notre conversation, l'accent du souvenir. Vous avez publié sur la naissance du français, qui vient aux racines de notre langue, et puis chez Honoré Champion, dans la collection Unichamp Essentiel. Vous avez également donné un livre qui s'appelle La genèse de l'orthographe française, 12e-17e siècle. Je rappelle que l'émission que vous venez d'écouter a été diffusée une première fois le 23 avril 2016. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver pour le cours de nos émissions originales et celle-ci sera consacrée au sport dans la Grèce antique. Passion du sport, héros sublimé autour du personnage en vérité extraordinaire qu'est l'athlète Milon de Crotone, avec Jean-Manuel Roubineau. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée, comme toujours, par Patrick Molinier, avec Pierre Faucillon à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Aude Vassan. Et dans quelques instants, nous retrouverons Étienne Klein pour la conversation scientifique.